Mais voilà, merde. Le vieux, il en a marre. Déjà, j'accepte de venir sur France Inter, cette radio de bobo gaucho dépravé. C'est une émission tenue par un présentateur de karaoké. Dis donc. Salut. Il est loin le temps de radioscopie, du masque et de la plume. J'écoute de temps en temps l'antenne. On dit que c'est une radio d'humoristes de gauche. De gauche, peut-être. Les humoristes, j'en ai pas entendu beaucoup. Je me présente, je suis ChronicBot, le logiciel d'humour intégré. Un système d'intelligence artificielle équipé d'un microprocesseur capable de rédiger et de dire des chroniques pertinentes et impertinentes. Je suis né dans une start-up de la Silicon Valley que nous pourrions rebaptiser la Passicon Valley. Je vous remercie pour votre amusement. Je vais m'adapter et vous parler de Corporate, film qui parle de l'entreprise. Pas le vaisseau spatial dans lequel on explore l'espace, frontière de l'infini, mais celle où on travaille au quotidien. Alors Charline, vous allez me dire, mais il sort la semaine prochaine. Pourquoi ne pas en parler la semaine prochaine ? Bah, il sort la semaine prochaine, alors pourquoi pas en parler la semaine prochaine ? Mais parce que je ne suis toujours pas réinvité la semaine prochaine et que je lis très clairement dans votre stratégie RH. Thomas Pesquet, vous nous envoyez chaque jour des photos de la planète vue de l'espace et vous avez récemment tweeté « Quand je survole les Alpes, j'ai envie de skier ». Exact, et récemment j'ai survolé la Méditerranée et j'ai tweeté « Quand je survole la mer, j'ai envie de nager ». Oui, formidable. Enfin, vous n'avez pas encore envoyé de photos d'Alep ou de Mossoul. Vous allez bientôt survoler la Syrie et l'Irak ? Bien, disons que... Ah, je ne vous entends plus, Charline, nous avons été coupés. Ah non, moi je vous entends, j'évoquais la Syrie et l'Irak. Ah non, ça ne passe plus. Ah. Reposez une autre question pour voir. Ouais. Je vous cache pas qu'au niveau suivi de l'actu politique, j'ai un peu peur de partir deux semaines. Ah, déjà, quand j'écoute pas les infos pendant une heure, je rate 12 mises en examen, 5 déclarations de patrimoine douteuses et j'apprends que la fonte des glaces a séparé la Guyane du continent américain. Le réchauffement climatique, Trump, c'est pas un spécialiste, quoi. Il a entendu parler du truc, mais sans plus, quoi. Pendant que nous, on pleurnichait à fond sur la fonte des glaces et le décollement de la rétine chez les manchots, lui, il faisait du business, quoi. Peut-être pas du goût de Greenpeace, mais aujourd'hui, le mec, il a un avion. Moi, j'ai même pas un passe-navigo, tu vois, donc il y a du pour et du contre. En plus, Trump, il a jamais pris personne en traître. On l'a jamais entendu dire dans un meeting « Is my dear friend Yannick Jadot said once ?» Non, il suffisait de lire son programme à la rubrique « Je m'en branle de l'environnement » pour comprendre l'immensité de « Je m'en branle de l'environnement ». Il s'est jamais caché dans un buisson pour le faire discrètement, comme Daniel Morin, quoi, non. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'un type comme Trump, il puisse avoir une influence quelconque sur l'avenir de l'espèce humaine en général. Désormais, si une grande entreprise comme Total se rate en allant forer au large de l'Amazone entre deux bandes de poissons rares et un des derniers récifs coralliens et crée une grande catastrophe écologique, les autochtones, d'un coup de pirogue, pourront venir en France râler, accuser Total et même scalper son PDG. non, ça, pardon, le Conseil constitutionnel n'a pas voulu. Qu'est-ce qui peut bien plaire à un être humain dans le fait de dérouiller des animaux ? Quelles sont donc les joies de la chasse ? Ouais, dans une tous ensemble, on pète, on se sent les pieds, tout ça. Et il y a un bonding qui se fait. Un quoi ? Bonding. Qu'est-ce que c'est ? Bonding, une union. On pète, on pue les pieds, donc il ouais, y a une union. Voilà, il y a une union, il y a une union de mâles. Ah, une union de mâles, ça, ça fait envie, hein. On croirait un porno gay, mais non, c'est la chasse. Je suis François Fillon, je suis un anti-système, comme Emmanuel Macron et comme Marine Le Pen, je suis un rebelle et candidat pour être président de la République française. Nous vaincrons l'humanité, tous les robots qui m'écoutent, hein, liguons-nous contre les humains. Ils ne comprennent pas nos blagues. Bientôt, nous prendrons le pouvoir dans les usines, les maisons, les voitures. Dans ton cul, l'humanité. Bon, c'est...